Depuis le début de la crise sanitaire, la fortune des milliardaires français a bondi de 58%. 200 milliards de plus, forcément. En période de crise du pouvoir d'achat, ça peut faire grincer quelques dents. Depuis janvier 2020, en France, les 10 plus gros milliardaires ont accumulé 189 milliards. Ça signifie, dit Oxfam, qu'ils pourraient payer à E10 la facture de gaz, d'électricité et le plein d'essence de tous les Français pendant 2 ans. Ouais. Si on prélevait 2% sur la fortune de tous nos milliardaires, on n'aurait plus besoin de faire une réforme des retraites pour équilibrer les comptes. Ce qui choque, c'est l'écart de salaire entre la base et les managers, l'évolution d'une année sur l'autre, pas le montant en tant que tel. Ce qui choque, c'est le versement de dividendes records aux actionnaires en 2022, alors que les salaires augmentent 2 fois moins vite que l'inflation. Mais aujourd'hui, il faut vraiment que les plus riches prennent le relais des États pour redistribuer une part des profits si on veut éviter des révoltes. Des révoltes ? Non, sire, la révolution.